Répondez selon le modèle. Je les attends. Oui, attends-les. Non, ne les attends pas. Je les invite. Oui, invite-les. Non, ne les invite pas. Je leur demande. Oui, demande-leur. Non, ne leur demande pas. J'y vais. Oui, vas-y. Non, n'y va pas. Je t'attends. Oui, attends-moi. Non, ne m'attends pas. Je m'assois. Oui, assieds-toi. Non, ne t'assieds pas.